J'lui donne la zone en Disney ma gueule. Billy Sayer à Manon me fait du chemin. Arrête le code ou la homme ou la haine. T'as ouï j'ai le wak, ça bien au chemin. Will and I show and you for fait flair. L'ouvrir dit ma tarque fait achetan à men. Wahad nausena ma awana si flair. Omi toi si tu l'y t'as ou t'as la fadini. Il fait tout à l'heure. L'ayam, l'ayam, l'ayam. Hapsi ou t'as à l'heure. L'ayam, l'ayam, l'ayam.